Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un fait divers tragique, devenu le dossier criminel de l'entre-deux-guerres le plus mystérieux, l'affaire dite du tueur du métro. Le 16 mai 1937, une jeune femme de 29 ans est retrouvée morte, sauvagement poignardée, dans une rame du métro parisien à la station Porte Dorée. Aucun témoin, aucun indice, aucune vraisemblance non plus entre le lieu du drame, l'heure à laquelle les faits ont été commis et le mobile du crime. Pire, l'assassin semble s'être volatilisé. Dans la presse d'époque, on parle d'un crime parfait. Mais ce n'est pas tout. On découvre que la victime, une jeune femme du nom de Laetitia Toureau, avait apparemment une double vie et des liens assez troubles. Non seulement avec le milieu criminel, mais aussi avec un service de renseignement étranger. Cette double vie expliquerait-elle les raisons de sa mort ? Aujourd'hui, plus de 80 ans après les faits, personne n'a la réponse. Notre invité aujourd'hui est Christian Discipio, professeur d'histoire, conférencier et romancier. Il est l'auteur d'un roman fiction sur cette affaire, Le crime du métro, paru aux éditions Capbert en 2018. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire, Adrien Cara, coordination, Christophe Barrère, réalisation, Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaire sensible. Sur France Inter. Juin 1962, Paris, 36 quai des Orfèvres, siège de la brigade criminelle. En milieu de journée, le directeur de la police judiciaire, Max Fernet, reçoit un étrange courrier. Monsieur le commissaire, je ne sais si cette lettre vous parviendra. Peut-être sera-t-elle jetée au panier avant, comme l'œuvre d'un fou, et peut-être cela vaudra-t-il mieux. Sans doute, vous souvenez-vous de l'assassinat de Laetitia Toureau, qui eut lieu entre la porte de Charenton et la porte Dorée, dans le métro le 16 mai 1937. Eh bien, monsieur le commissaire, figurez-vous que je suis l'assassin de Laetitia Toureau. Une lettre d'aveu pour une vieille affaire jamais élucidée, celle du meurtre de Laetitia Toureau. Un fait divers, vieux de 25 ans en 1962, également connu sous le nom de l'affaire du tueur du métro. Ce dossier, Fernet le connaît. Comme tous les flics de la capitale, il sait qu'il s'agit là d'un véritable casse-tête. Pendant des années, l'échec de l'enquête a hanté les couloirs du 36. Parmi ceux qui, à l'époque, ont suivi le dossier, il y a le commissaire Marcel Guillaume, le célèbre policier dont la légende dit qu'il résolvait tous les crimes. Le personnage réel qui a inspiré Simenon pour son commissaire fictif, Maigret. Eh bien, malgré ses talents, les talents de ce Guillaume, il était très vite écarté de l'enquête. Plutôt que de lui confier la traque du coupable dans les rues de Paris, sa hiérarchie lui a demandé de partir à la retraite. La présence du commissaire Guillaume aurait-elle pu faire la différence et permis de remonter la piste du tueur? Si là-dessus, évidemment, rien n'est sûr, ce que l'on sait en revanche, c'est que sous son impulsion, l'enquête n'aurait certainement pas tourné au fiasco. Car 25 ans après le meurtre de Laetitia Toureau, les questions sont toujours les mêmes. Les réponses, elles, manquent cruellement. Alors, lorsqu'il reçoit cette lettre d'aveu, le commissaire Max Fernet y prête un œil attentif. À sa lecture, il comprend vite qu'il n'a pas affaire ici à un canular ou à l'œuvre d'un dérangé. Non. L'auteur de ces quelques pages tape la machine à écrire, a pris soin de choisir ses mots. Son récit est clair, il ne laisse paraître aucune émotion, et surtout, l'enchaînement des faits qu'il expose est plausible, tout comme certains détails du crime qu'il partage et que seule une personne impliquée peut connaître. Cette lettre va sans doute vous étonner, monsieur le commissaire. Pourquoi l'assassin d'un crime réputé parfait veut-il ainsi raconter son forfait plus de 20 ans après? Je ne saurais vous le dire exactement. Sans doute ai-je besoin de me libérer, ayant gardé le secret pendant de si longues années que je n'en éprouve plus de remords. Peut-être aussi une sorte d'orgueil me pousse-t-il à apporter les éléments nécessaires à la résolution de cette affaire. La lettre n'est pas signée. L'expéditeur refuse de dévoiler son nom afin, dit-il, de protéger sa famille. Il prétend être un homme, c'est tout. Il serait né en 1915, ce qui lui fait 22 ans au moment des faits. La victime, elle, en avait 29. Affirmant être originaire de Perpignan, l'homme raconte être monté à Paris pour poursuivre ses études de médecine au milieu des années 30. C'est là qu'il aurait rencontré la victime, Laetitia Toureau, lors d'une soirée dansante. Il explique être tombé follement amoureux d'elle. Mais cette dernière l'aurait été conduit, manipulé, humilié et même trompé. Alors, rempli de cette jalousie qui vous fait perdre la tête et vous rend incontrôlable, l'individu aurait décidé de se venger. Sans vraiment préméditer son acte, il avoue avoir suivi Laetitia dans le métro, certes, il admet ensuite l'avoir poignardée dans la rame, il affirme ne pas avoir voulu la tuer. Il explique enfin n'avoir aucune explication à donner à son geste aujourd'hui encore. Pour le commissaire Fernet, si les dires de ce mystérieux expéditeur sont vrais, il s'agirait donc d'un crime passionnel. Un mobile très fréquent dans ce genre d'affaires et qui viendrait balayer tout un tas de théories qui, à l'époque des faits, en 1937, rappelons-le, ont littéralement asphyxié l'enquête. Sur le moment, en effet, le meurtre de Laetitia Toureau a occasionné de nombreuses spéculations sur d'éventuels liens entre la jeune femme, dont l'existence était derrière les apparences assez mystérieuses, liens avec une agence de détectives privés, puis avec les services de renseignement de l'Italie fasciste, voire avec une organisation clandestine d'extrême droite française, bien connue à l'époque sous le nom de la Cagoule. Autant de pistes suivies, étudiées et explorées par les enquêteurs, mais en vain. Au terme de plusieurs mois d'enquête, des centaines d'auditions, des milliers de pages de procès-verbal, les hommes du 36 n'ont jamais réussi à trouver l'ombre d'une piste qui relierait l'assassinat de Laetitia Toureau à un quelconque motif obscur ou politique. Aucune preuve, rien. Ensuite, l'affaire du tueur du métro tombe dans l'oubli. La faute au début de la Seconde Guerre mondiale, 2 ans plus tard, et des longues années d'occupation. L'assassin ne refait jamais parler de lui. Il n'y a aucun élément nouveau pour ouvrir l'enquête. Donc, en 1962, lorsque Max Fernet reçoit la lettre, l'affaire n'est toujours pas résolue. Afin d'essayer de démêler le vrai du faux dans une affaire sur laquelle il n'a pas enquêté lui-même, le commissaire demande aux archives de la PJ de rouvrir le dossier sur le meurtre de Laetitia Toureau. Après avoir lu et disséqué l'enquête de ses prédécesseurs, Fernet constate que leurs investigations furent denses, mais surtout qu'elles furent maladroites et malmenées par un grand nombre de fausses pistes. Comme il l'expliquera par la suite à une journaliste d'Antenne 2. C'est un dossier extrêmement volumineux. Il remplit 2 immenses caisses, comme ceci, au musée. Le rapport général, qui est un rapport de synthèse, est à 600 pages recto verso. Vous avez, je crois, 700 procès-verbaux. Et il y a une caisse entière pleine de toutes les enquêtes faites sur les lettres anonymes, les lettres de dénonciation. Combien qui ont affluent plusieurs centaines. Est-ce que c'est le cas toujours ? Oui, et plus l'affaire dure, plus le nombre augmente. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la belle affaire. Ce sont les affaires ratées. Avec le recul, le commissaire Fernet constate que l'enquête a manqué de rigueur à plusieurs niveaux. D'abord, lors de la découverte du corps de la victime, la police municipale a laissé une grande partie des témoins et autres passagers du métro quitter les lieux sans même les interroger, ni prendre leur identité. Et puis la piste d'un crime passionnel ne semble pas avoir été suivie jusqu'au bout. Fernet découvre que certains des amants et des fréquentations de la jeune Laetitia Toureau n'ont jamais été entendus par la police. Leurs noms juste étaient notés sur une feuille de papier. Certains d'entre eux étaient pourtant bien connus des établissements dansants. D'autres même étaient fichés pour des délits ou des petits larcins. D'autant que de son côté, le mystérieux auteur de la lettre envoyée au commissaire plaide lui pour un drame amoureux. Maintenant, bien des années ont passé. Je suis médecin, marié et même grand-père. Mais ce secret a pesé lourdement, n'étant pas assez croyant pour le confier à un prêtre. Je n'ai plus de remords. Et il me semble vous raconter l'histoire d'un autre. Aussi, mon récit vous paraîtra-t-il froid et sec. Vous, monsieur le commissaire, assis derrière votre bureau, vous allez sans doute me juger sévèrement. Mais en vérité, je ne pense pas être un criminel, du moins pas un criminel type. Et j'aurais sans doute bénéficié de circonstances atténuantes. En espérant qu'ainsi sera classée l'affaire Laetitia Toureau. Je vous adresse, monsieur le commissaire, mes salutations distinguées. Monsieur le commissaire, Fernet donc, tente alors une ruse. Afin de montrer à l'expéditeur qu'il prend sa lettre très au sérieux, et dans l'espoir de l'inciter à écrire de nouveau ou même venir témoigner, Fernet fait fuiter les aveux à presse. Des fragments de la lettre feront ainsi la une du journal François. Mais rien n'y fait. Le mystérieux expéditeur ne donne aucun autre signe de vie. La piste de cet homme médecin et originaire du sud de la France est bien trop aléatoire pour lancer la brigade criminelle à ses trousses. D'autant que les fils du 36 sont déjà bien occupés à cette période par une série de crimes menés à Paris par l'OS, gonflé à bloc contre l'indépendance que les Algériens ont réussi à obtenir 2 mois auparavant. Et de toute façon, note Fernet dans son carnet, les faits sont prescrits. Oui, en 1962, lorsque parvient cette lettre anonyme, le délai de prescription des crimes de sang, meurtre ou assassinat est seulement de 10 ans. Or, la mort de la jeune Laetitia Toureau remonte, elle, à plus de 25 ans. Résultat d'une enquête maladroite, le commissaire Max Fernet est conscient qu'il s'agit là d'un gigantesque gâchis. Mais contraint par l'absence d'éléments nouveaux et par la loi sur la prescription, le commissaire referme le dossier d'enquête en y incluant la lettre d'aveu. Il le donne ensuite à son adjoint avec pour seule instruction « à classer ». Ici s'écrivent donc les dernières lignes de l'enquête officielle sur la fête dite du tueur du métro. Un fait divers sordide, devenu malgré lui le plus mystérieux dossier criminel de l'entre-deux-guerres. Une histoire aux ressorts et aux implications politiques possibles. Une histoire qui nous replonge dans la France des années folles et dans leur face sombre à Paris. Dimanche 16 mai 1937, Paris. En cette fin d'après-midi de week-end de la Pentecôte, l'air chaud étouffe les rues de la capitale. Dans les kiosques à journaux, à la une de la presse du jour, on lit les dernières nouvelles du front dans la guerre d'Espagne et on dissèque la catastrophe du Zeppelin Hindenburg aux États-Unis. Grève dans les usines, aggravation de la situation économique du pays et critique contre le gouvernement de Léon Blum. Telle est l'actualité en ce printemps 1937. Pendant ce temps, dans le bois de Vincennes, bien loin de l'agitation politique du moment, les Parisiens profitent du soleil. Vers 18h30, une jeune femme descend du bus, à quelques centaines de mètres de là, sur le boulevard des Maréchaux. Elle marche en direction de la station Porte de Charenton, terminus de la ligne 8. Une fois au guichet de la station, elle demande un billet de seconde classe et ne prend pas le temps de récupérer sa monnaie. Puis elle se précipite sur le quai. Elle va pour s'asseoir en compartiment de seconde, puis finalement se ravise et entre dans celui de la première. Elle ne se retourne pas, elle ne regarde pas derrière elle. De toute façon, personne ne semble lui prêter attention. Assise seule dans le wagon de première classe, on la distingue de par sa robe verte, ses cheveux roux et le petit chapeau blanc qu'elle porte sur sa tête. Dans les instants qui suivent, un bruit sourd envahit le quai. Le chef de station ordonne le départ et c'est à ce moment précis, alors que les portes de la rame sont sur le point de se refermer, qu'un homme surgit et se faufile à l'intérieur du wagon de première. Et personne là encore, parmi les autres passagers, dans les autres wagons, ne prête vraiment attention à la scène, car au même moment, effectivement, dans un crissement strident, le métro démarre et s'enfonce dans le tunnel souterrain pour rejoindre la prochaine station, Porte Dorée. À peine une minute plus tard, la rame s'arrête au quai de la station. Les portes s'ouvrent, des passagers montent et descendent des différents compartiments, rien de plus normal. Un médecin militaire et ses filles ouvrent alors celui de la première classe pour s'y installer. C'est là qu'ébahi, il découvre la jeune femme. Elle a la tête légèrement penchée. À première vue, elle semble dormir. Mais à ses pieds, son petit chapeau blanc est devenu rouge car il baigne dans une mare de sang. Le médecin tente de porter secours à la jeune femme. C'est là qu'il découvre un couteau planté jusqu'à la garde dans son cou. Il faut au secours près d'une demi-heure pour arriver sur les lieux. Lorsqu'on prend en charge la victime, celle-ci est inconsciente. Elle sombre dans le coma pendant son transport en ambulance. Arrivée à l'hôpital Saint-Antoine, les médecins ne peuvent que constater son décès. Outre la nature sauvage et sordide de cette agression, ce fait divers retient dès le départ l'attention des journalistes, car à la vue des témoignages qui circulent dans le tout Paris, un élément demeure incompréhensible. Le médecin qui a découvert le corps de la jeune femme affirme que lorsque ses filles et lui sont montés à bord du wagon de première classe, celui-ci était vide. Il n'y avait personne d'autre que la jeune femme blessée. Le médecin ajoute aussi qu'il n'a vu personne en redescendre. Bien, mais alors, où est passé l'assassin? Où les assassins? La presse élabore trois scénarios. 1. Le ou la meurtrière serait monté port de Charenton lorsque la rame était encore à l'arrêt. Il ou elle aurait poignardé la victime, puis serait redescendu avant que la rame ne reparte. Problème, le chef de station à Porte de Charenton est formel, il n'a vu personne redescendre du métro avant le départ de la rame. Hypothèse à oublier donc. 2. L'assassin serait là encore monté Porte de Charenton, où il ou elle aurait tué la jeune femme. Bien. Puis, il ou elle aurait sauté du train en marche pour s'échapper. Mais à près de 40 km/h, les spécialistes en sont certains, l'individu serait soit mort électrocuté par les rails ou grièvement blessé dans sa chute. Là encore, hypothèse à oublier. 3. L'assassin a changé de compartiment après avoir commis son méfait. Mais là encore, quelque chose ne colle pas dans la rame voisine, celle de seconde classe. Pas personne parmi la quinzaine de passagers, aucun n'a vu quelqu'un entrer dans le wagon pendant que le train était en marche. Sachant qu'il faut à peine 58 secondes pour relier en métro les stations Porte de Charenton et Porte Dorée, cela veut dire que le ou la meurtrière ou les a eu moins d'une minute pour commettre le crime et disparaître sans laisser de traces. L'homme qui se retrouve en charge de l'enquête, c'est le commissaire principal René Bada de la brigade criminelle. Il est réputé pour être un flic sérieux, très procédurier. Mais lorsqu'il découvre la scène du crime, il constate que rien n'a été fait dans les règles. Le corps de la victime a été déplacé plusieurs fois avant d'être emmené par des secours. Pire, la plupart des témoins ont quitté la scène du crime sans avoir été entendus, ni identifiés. Et enfin, le sac à main de la victime semble avoir disparu. On le retrouvera un peu plus loin. Quelqu'un l'aurait sorti du métro et l'aurait déposé à côté du quai. Dans ce sac à main, justement, le commissaire Badin découvre des billets de métro, un poudrier d'une marque de luxe, un bâton de rouge à lèvres, une paire de gants et un portefeuille. Dans le portefeuille, une carte d'identité. La jeune femme qu'on vient d'assassiner s'appelait Laetitia Toureau, elle avait 29 ans. Monsieur Incognito, qu'est-ce que vous faites ici ce soir à vous promener dans le noir dans ma station de métro? Monsieur Incognito, n'est-ce pas vous, à ce qu'il paraît, qui donnait l'amour, les baisers, comme ça à tout propos? Laissez-moi un peu vous regarder, votre costume couleur d'automne, vos chaussures noires bien cirées, pour ressembler aux autres hommes. Monsieur Incognito, vous avez l'air plutôt gentil, avec votre air en cheveux gris et sans dire un seul mot. Puisqu'on est là rien que tous les deux, on peut parler et s'expliquer. Je vous le dis droit dans les yeux, j'y crois pas à votre conte de fées. Quand j'étais seul, désespéré, pas trace de vous dans ma vie. Maintenant que tout s'est arrangé, faudrait peut-être que je vous remercie. monsieur incognito, qu'est-ce que vous faites ici ce soir à vous promener dans le noir, dans ma station de métro, monsieur incognito, n'est-ce pas vous, à ce qu'il paraît, qui donnait l'amour, les baisers, comme ça, à tout propos. Je n'aime pas votre petit sourire, votre costume, ni votre voix, votre regard qui semble dire au revoir à la prochaine fois. Monsieur incognito, arrêtez, vous n'avez pas de veine, car avec moi, il n'y a pas prochaine, d'au revoir ni d'à bientôt. Monsieur incognito, vous me regardez secouant la tête, drôlement avant de disparaître, soudain j'ai froid dans le dos. Partez ! Affaire sensible, Fabrice Drouel. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît ? Oui ? Bonjour, madame. Madame Laetitia Toureau, s'il vous plaît. Cinquième étage, gauche. Excusez-moi, elle habite depuis longtemps ici ? Ça fait bien 4 ans. Et elle vit seule ? Oui, depuis la mort de son mari, il y a 2 ans. Ah, il est mort de quoi ? De la tuberculose. Elle a eu beaucoup de chagrin. D'ailleurs, depuis, elle s'habille toujours en noir. Et elle voit du monde, elle reçoit des gens ? Non, pratiquement pas. Et est-ce qu'elle a un ami ? Je n'y en connais pas. Non, elle est très sérieuse. Et elle travaille ? Oui, elle travaille dans une usine qui fabrique du cirage. Elle part tous les matins à 7 heures. C'est une ouvrière, quoi. Paris, lundi 17 mai 1937. L'affaire du meurtre de la jeune Laetitia Toureau s'affiche en une de toute la presse. Harcelée par les journalistes, la concierge de l'immeuble où habitait Laetitia décrit ainsi la jeune femme, une personne discrète, banale et sans histoire, vous avez remarqué. C'est un grand classique dans les faits divers. Victimes et assassins sont souvent tous quatre plus normal. Enfin, fille d'un cultivateur italien du Val d'Aoste, émigrée en France avec sa mère, ses 3 frères et sa sœur, Laetitia vivait seule au dernier étage de cet immeuble du 20e arrondissement de la capitale, dans un minuscule appartement. Son patron à l'usine Maxi affirme aux journalistes qu'elle est son employée la plus fiable. Il raconte aussi que le soir, elle tenait le vestiaire d'un bal musette de Montmartre, las de cœur, pour arriver à joindre les deux bouts. Car Laetitia était veuve et son maigre salaire à l'usine ne lui suffisait pas pour vivre. Plusieurs de ses amis expliquent qu'en fin de semaine, la jeune femme s'autorisait une sortie car elle aimait danser dans les bals musettes de la rue de Lappe. Largement relayé par la presse, le portrait de la vie de la jeune femme donne à ce fait divers déjà sinistre une dimension encore plus dramatique. Car on y trouve tous les ingrédients d'un roman populaire, avec dans le rôle principal une jeune femme honnête, harassée par un destin qui s'acharne et qui, comble de ses malheurs, meurt dans des conditions horribles. Dans les kiosques à journaux de la capitale, les titres sont évocateurs et le style est clairement à la surenchère. Il y eut ce dimanche un meurtre qu'on ne pouvait imaginer plus horrible dans les sous-sols de Paris. Un crime machiavélique en tout point, puisque c'est à une innocente jeune femme que quelqu'un a pris la vie. La lame qui a transpercé le cou de Laetitia lui a été assénée avec une telle rage que cela a sectionné la moelle épinière. Du meurtrier, on ne sait rien, si ce n'est que sa fuite après le crime est à ce point stupéfiante que certains policiers sont allés jusqu'à la comparer à un numéro de magicien. Le jour de sa mort, la jeune femme venait de passer l'après-midi avec son frère et des amis dans une guinguette des bords de la Marne. Elle devait rejoindre ensuite sa mère le soir pour le dîner, raison pour laquelle elle était repartie un peu plus tôt. Parmi les témoins qui vont se présenter spontanément à la police, il y a un conducteur de bus. Laetitia, Bon, il ne la connaît pas personnellement, mais il se rappelle bien l'avoir déposée boulevard des Maréchaux, dimanche, vers 18h, oui. Il se souvient d'elle à cause de sa jolie robe verte. Et ce qui l'a marqué, c'est que la jeune femme semblait inquiète, nerveuse, pour reprendre les mots du témoin. La coiffeuse de la jeune femme, elle, affirme que la veille de son assassinat, Laetitia est venue la voir pour changer de couleur et de coupe de cheveux. En entrant dans le salon, elle était brune aux cheveux attachés. Lorsqu'elle en est ressortie, elle était rousse avec les cheveux coupés au carré. Simple coquetterie ou envie de changement? Ou bien Laetitia chercherait-elle à changer d'allure car elle avait peur de quelque chose et ne voulait pas être reconnue? Voilà deux éléments qui laisse à penser au commissaire Badin que l'assassin n'aurait donc pas frappé par hasard dans le métro suite à une pulsion meurtrière délirante. Non, pas du tout. Soit il connaissait personnellement Laetitia, soit il savait qui elle était sans jamais lui avoir parlé. Dans un cas comme dans l'autre, le crime aurait donc été prémédité. Scène de crime improbable, violence hors norme, mobile inconnu. À la recherche de réponses dans cette affaire criminelle qui semble pour l'instant défier l'imagination et la logique, le commissaire Badin et ses hommes fouillent l'appartement de Laetitia. Un endroit, pourra-t-on lire dans les extraits du rapport d'enquête, qui donne l'étrange impression d'être un lieu de passage, une sorte de chambre d'hôtel. Rien en effet sur les murs, pas de porte-photo non plus sur les rares meubles. Aucun objet personnel, aucune trace de correspondance, de courrier ou d'objets intimes, personnels. À tel point que le commissaire Badin va jusqu'à imaginer que quelqu'un est passé avant lui et ses hommes pour nettoyer les lieux et effacer toute trace de la jeune femme. Toujours prête à dévoiler un aspect inédit de l'affaire, la presse va être à l'origine d'un incroyable rebondissement. Dans son édition du 27 mai, le journal d'investigation détective affirme que celle qu'on surnomme désormais l'égorgée du métro avait une double vie. Le jour, la semaine, elle s'appelait donc Laetitia, elle était brune et portait des robes banales. Elle voyageait en seconde classe dans le métro et travaillait dans une usine à cigares de Saint-Ouen, la nuit. Et le week-end en revanche, Laetitia laissait sa place à Yolande. Elle devenait blonde ou rousse. Elle fréquentait les soirées dansantes, les bals d'établissements malfamés du quartier Bastille. Elle avait des soupirants, des amants, elle flirtait, elle s'amusait. Quand elle découchait, elle restait Yolande. Quand elle rentrait chez elle, elle redevenait Laetitia. Francis Claude, qui a côtoyé la seconde au salon dansant de l'As de Cœur, livrera bien plus tard une anecdote, celle-là. Ah oui, la photo a fait tilt. Quand j'ai la photo, je dis, il n'y a pas de doute, c'est elle. Sûr. Oh, sûr, oui, il n'y a pas de question. Alors, elle était un petit peu moins ondulée, peut-être, mais elle avait le même visage, le même nez un petit peu. Il n'y a pas de question, c'est elle. Alors, la dernière fois que vous l'avez rencontrée, c'était quand? Eh bien, c'était à peu près la première et la dernière. C'était en 1936 ou 37, je ne m'en rappelle plus exactement. Ça se passait à l'As de Cœur, rue des Vertus. Alors, j'étais descendu au lavabo, et puis il y avait ce garçon qui se refaisait un coup de Baker fixe, puis qui essuyait ses souliers avec sa pochette, qui était là. Lui, il y avait... Non. Un de la bande, qui dansait avec Laetitia Toureau, et qui me dit, me prenant pour un garçon du même bord que lui, il me dit, disons, tu te défends pas mal, t'es avec une drôle de pépé, tu donnes dans les étrangères, alors il me fait un petit laïus, je lui dis, mais toi-même, tu n'es pas mal loti, lui dis-je, en faisant allusion, justement, à Laetitia Toureau, sans savoir qui était Laetitia Toureau, sans penser qu'elle serait à la base d'un drame aussi extraordinaire. Et il m'a répondu, ça je ne l'ai pas oublié, il m'a répondu, fais gaffe où tu mets tes pieds. J'ai cru que c'était par jalousie, il m'a dit, c'est pas du tout ce que tu crois, fais gaffe où tu mets tes pieds, cette môme-là, j'essaye de la neutraliser, parce qu'elle est très capable de nous faire un sale turbin. Toujours dans la revue Détective, on découvre que Laetitia, ou plutôt son double, Yolande, travaillait pour une agence de détectives privés à Paris. Elle y accomplissait des filatures pour surveiller des marivolages. On apprend également que c'est le patron de cette même agence de détectives qui lui avait trouvé un second emploi au vestiaire d'un bal musette de Montmartre, l'As de Cœur. S'installe alors l'idée que Laetitia aurait pu être plus qu'une simple employée de vestibule. Elle aurait pu profiter de cette position pour fouiller les portefeuilles, par exemple. dans les vestes des clients, ou entendre des conversations confidentielles entre des truands et des gens du milieu. Et si la réponse à l'assassinat de la jeune Laetitia Toureau était à chercher dans cette double vie? Même le journal de gauche, L'Humanité, se prend au jeu et y consacre sa première page, avec ce titre qui en dit long sur la liberté de la femme à l'époque, l'énigme du wagon rouge de la Porte Dorée, quand la veuve respectable se révèle être une femme aux mœurs trop libres. Jamais interrogé par la police, un dénommé monsieur Burti, ancien cheminot qui a connu et aimé Laetitia pendant près d'un an, affirmera par la suite que la jeune femme était pour lui un mystère. Monsieur Burti, vous n'avez pas été interrogé par la police et vous n'avez pas été la voir non plus? Non. Bah pour lui dire quoi? Vous voyez, le peu que je peux vous dire, ça leur aurait donné quoi? Et vous lui écriviez souvent, pourtant elle avait de la correspondance à vous? Oui, elle avait même des photos. Donc si on ne vous a pas interrogé, c'est qu'elle les a détruits? Elle a tout détruit, oui. Alors ça c'est un truc, un trait typique des gens de l'espionnage. Pas de papier, rien qui traîne, uniquement la caboche. Hein. Décrivez-la un petit peu, son caractère. Est-ce qu'elle était intelligente? Oui, extrêmement. Pétillante d'intelligence. C'était une femme douce, dure Très douce. Vous ne saviez pas qu'elle travaillait dans une boîte de nuit le soir? Vous ne saviez pas qu'elle travaillait pour une agence de police privée? Non, elle m'a dit souvent qu'elle travaillait chez elle. Non. En fait, vous ne savez pas du tout ce qu'elle cherchait chez vous? Si, la musique. Faute de mieux, l'enquête du commissaire Badin et ses hommes va alors se concentrer, et en fait se fourvoyer, sur la piste d'un crime du milieu. Outre les éléments parus dans la presse, Badin dispose de près de 2000 lettres anonymes envoyées peu après le crime. Si certaines n'ont aucune valeur pour l'enquête, d'autres, en revanche, donnent des détails précis sur la vie de la victime et supputent qu'il pourrait s'agir d'un acte de vengeance. Pendant des mois, Badin va ainsi auditionner plusieurs dizaines d'hommes connus pour des faits de violence avec un couteau. D'autres pour avoir fréquenté l'As de cœur. Et encore, une fois encore, tout cela ne donne rien. Toujours par voie de presse, toujours dans les colonnes du journal détective, les Parisiennes et les Parisiens vont alors apprendre avec stupéfaction qu'il se pourrait bien qu'en réalité, ni la police, ni l'institution judiciaire ne cherchent à en retrouver l'assassin. Au contraire, ces derniers feraient tout pour noyer le poisson. En effet, plusieurs témoignages décrivent Laetitia, ou plutôt son double, Yolande, comme informatrice pour une officine de renseignement de la préfecture de police, sans davantage de précision. D'autres sources, proches du milieu du renseignement français, affirment que Laetitia, d'origine italienne, avait fait plusieurs voyages à Rome et qu'elle était une espionne du régime fasciste de Mussolini. Des hypothèses battues en brèche par la suite par le commissaire Max Fernet. Pour lui, aucun service de renseignement n'aurait voulu une jeune femme aussi peu méticuleuse et sérieuse que Laetitia. Je ne vois pas dans son comportement, dans son aspect, son physique, son profil, sa stature, sa façon d'être, sa façon de vivre, le fait qu'elle n'avait aucun argent, je ne vois pas en elle un agent d'un service secret. D'autant plus qu'elle était imprudente, elle se liait fréquemment. Elle avait des amis de rencontre auxquels elle succombait volontiers, et sans même parler de sa vie, car je crois qu'elle n'a pas grand-chose à cacher, je pense, d'après le dossier. On ne confie pas des secrets, un service vraiment secret, à une femme, je ne dis pas légère, mais disons accessible et maladroite. Mais sans le lui confier, elle a pu entendre quelque chose. Mais entendre quelque chose, pourquoi? Quel service aurait-elle pu rendre, étant donné son niveau intellectuel? Et pas, moi, elle n'a pas le profil d'une matari. Parmi les fréquentations de Laetitia ou de son double, Yolande, à l'As de cœur, on sait grâce aux témoignages que figurent plusieurs militants d'extrême droite, membres d'une organisation politique et paramilitaire clandestine du nom de la Cagoule. La Cagoule, ou Comité Secret d'Action Révolutionnaire, est alors bien connue dans les années 30 pour ses tentatives d'attentats, ses opérations de déstabilisation ou même une tentative ratée de coup d'État. Arrêtée quelques temps plus tard, plusieurs de ses membres vont révéler que Laetitia voulait abandonner la cause mussolinienne et qu'elle aurait donc été liquidée par un tueur à gages venu de Rome. Elle a voulu virer de bord et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, témoignera l'un de ses anciens petits amis. L'hypothèse est séduisante, alléchante, mais là encore, il n'y a aucune preuve. Toutefois, cette théorie expliquerait pourquoi l'enquête de la police apparaît a posteriori s'être concentrée uniquement sur une vengeance du milieu parisien, histoire de ne pas chercher l'histoire à quelqu'un de haut placé, soit à la préfecture, soit au ministère, soit même à l'Élysée. Et puis, à l'été 37, dans le climat d'incertitude et de tensions diplomatiques qui balayent l'Europe, la France ne souhaite pas se fâcher avec l'Italie. Que cette dernière soit fasciste ou non, d'ailleurs, parce que le vrai danger d'alors, c'est l'Allemagne nazie. Pourtant, de là à laisser les tueurs d'une agence de renseignement agir sur son propre sol dans le métro parisien, tout de même difficile de l'imaginer. Quoi qu'il en soit, la police va classer l'affaire au début de l'année 38. Et depuis cette date, à l'exception de l'aveu d'un homme interné dans un asile en 1948, et de la lettre de mystérieux expéditeur, le fameux docteur originaire de Perpignan, que va recevoir le commissaire Fernet, il n'y aura plus aucun rebondissement. Non, le tueur du métro reste à ce jour l'auteur d'un crime parfait, donc impuni, surprenant et mystérieux, un crime qui continue aujourd'hui encore de fasciner. She'll take you back, don't make believe you wanna think it through. I've loved before, I love again. I know that yours was true. Wake up slowly. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le tueur du micro, notre invité Christian Discipio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire, conférencier, romancier. Vous êtes l'auteur d'un roman fiction sur cette affaire, une aventure narrative qui nous replonge dans le contexte de l'époque et qui nous permet de remonter la piste de celui qui pourrait être le coupable. Votre livre, Christian Discipio, intitulé Le crime du métro, est paru aux éditions Caber en 2018. Vous vous souvenez, Jean Gabin, puisqu'on parle des années 30, l'acteur Jean Gabin disait « Un bon film, c'est d'abord, c'est un, une bonne histoire. Deux, une bonne histoire. » Trois, une bonne histoire. Voilà. Est-ce que c'est l'histoire qu'on vient de raconter, et ce qu'on appelle une bonne histoire, jusqu'à en faire un livre? Ah oui, absolument. J'ai découvert l'affaire Laetitia Toureau à l'occasion d'une série de conférences que j'ai données il y a quelques années sur la manière dont les faits divers apparaissaient dans la presse. C'est une manière pour moi de faire la synthèse entre mes deux métiers principaux, prof d'histoire d'abord et ensuite journaliste. Mmh. Et c'est vrai que je me suis pris d'intérêt pour cette affaire qui me semblait avoir tous les ressorts pour faire un bon roman. Et Laetitia Toureau est devenue pour moi une personne familière. Ah, vous avez... Mes sources, c'était essentiellement la presse quotidienne française et italienne. Mmh. Le journal du comte Ciano, gendre de Mussolini, et aussi ministre des Affaires étrangères, et puis des journaux, des livres d'histoire. Mmh. Voilà, détective que vous avez cité dans votre récit. Marianne aussi, qui était un magazine très intéressant dans les années 30. Mmh. Il s'agit d'un roman, donc les dialogues sont fictifs, mais le reste des détails sur les personnages, les lieux, la façon dont le crime était commis sont vrais. J'ai envie de vous poser une question et de pas vous la poser. Alors ce qui me donne envie de pas vous la poser, c'est de pas spoiler. Ce qui me donne envie de vous la poser, c'est ma curiosité. Alors j'y vais, allez. Comment se termine l'affaire dans votre livre? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Dans mon livre, si vous voulez, je ne raconte pas le crime autrement que vu par Laetitia, donc... Le lecteur ne sait pas qui l'a tué et on va le découvrir quand même tout à la fin. Et j'ai deux hypothèses pour le meurtrier. Il y en a une qui me paraît plutôt possible mais peu crédible, c'est celle de l'amant éconduit, de ce garçon, de ce jeune homme étudiant originaire de Perpignan, qui décide de la tuer et qui va la suivre jusque dans le wagon du métro et la poignarder et la tuer d'un seul coup de couteau. Vous savez, on sait très bien que les maris jaloux, les amants éconduits, quand ils tuent une femme, ils s'acharnent, ne serait-ce que pour se donner à eux-mêmes l'excuse qu'ils avaient perdu la maîtrise de leur nerf. Mmh. Donc un seul coup de couteau comme celui-là, directement dans la moelle épinière, il faut une force herculéenne et puis il faut avoir l'habitude de le faire. Donc... Par contre, si on imagine un tueur, un vrai tueur, quoi. Un tueur un petit peu extraordinaire, parce qu'un tueur ordinaire qui suivrait Laetitia Toureau pour la tuer, il aurait un revolver, il attendrait le bon moment, d'autant qu'il est renseigné, elle rentre tard chez elle le soir, elle habite une petite rue du côté de Ménilmontant, près du Père Lachaise, il a tout le loisir de la tuer à coup de revolver. Mais là non, c'est un homme qui sort son couteau, un laguiole, qui ressemble étrangement d'ailleurs au laguiole qu'on utilise pour manger à table, il a un cran d'arrêt tout simplement, et d'un seul coup, il arrive derrière, il ne lui parle pas. Alors que le jeune homme lui aurait certainement parlé. D'ailleurs, il le dit dans sa lettre. Elle s'est retournée. Si elle s'était retournée, le couteau n'aurait pas pu être planté comme il l'était carrément dans l'axe des épaules. Mmh. Ouais, donc, il y a tout un tas d'éléments qui me font penser que c'est pas lui. Alors, c'est qui? Si c'est pas lui. Eh ben, écoutez, cet homme, ce tueur, assez fou pour aller exécuter un contrat ou une obligation qui est politique pour lui, qui va utiliser un couteau dans une rame de métro un dimanche soir où il y a foule sur les quais, même s'il n'y a personne dans le wagon de première classe, il n'y en a qu'un, c'est Fiols. C'est qui? Fiols, qui est un tueur de la cagoule. D'accord. Il a déjà tué auparavant le banquier Navachine au bois de Boulogne. Mm-hmm. Là aussi, il l'a tué avec à l'arme blanche, c'est sa spécialité. Là, ce n'était pas un couteau, c'est une baïonnette sciée. Et il tuera d'autres personnes par la suite, toujours à l'arme blanche. Donc pour vous, c'est lui, c'est la cagoule? Pour moi, c'est la cagoule, bien sûr. Bon, alors... Vous savez, c'est pas un scoop, il y a plein de gens qui ont la même opinion, simplement les circonstances changent, mais il y a que Fiols qui peut tuer quelqu'un dans ces circonstances-là. Ouais. Il est fou, quoi. Il a peur de rien, hein. Vous savez, Fiols, c'est un type qui a fait des attentats absolument incroyables. Il était dans la bande de ceux qui voulaient faire un mauvais sort à Léon Blum en mars 36. Vous savez, Léon Blum avait été reconnu par la foule. Et lui, il était certainement un de ceux qui avait porté des coups. Le 23 janvier donc de 1937, il tue le banquier Navachine. Le 25 avril, il exécute certainement, c'est pas sûr, mais il y a de fortes présomptions, un truand Pirol Bancal. Le 16 mai, c'est Laetitia. Le 27 août, il détruit tout seul une escadrille d'avions stationnée à Toussul-Noble qui était destinée aux républicains espagnols. Et puis, le 11 septembre, il pose des explosifs au siège du patronat français. Il y a eu 11 septembre à Paris en 1937, vous voyez, qui détruit à moitié tout le bâtiment et cause la mort de deux personnes, de deux agents de surveillance. Et entre le 15 et le 16 novembre, il est prêt à passer à l'action pour le coup d'État prévu par la cagoule au cours de cette nuit. Sérieux client. Il ne se fera pas. Sérieux client, celui-là. Oui, c'est un client et cette espèce d'audace qui le caractérise et puis cette cruauté aussi parce que ce plaisir qu'il a à tuer à l'arme blanche, je pense que c'est vraiment signé. Il y a une espèce de continuité, si vous voyez, entre tous ces crimes. Oui. Christian Di Scipio, votre nom, ça s'écrit S-C-I-P-I-O, donc j'imagine que ça dit Scipio, hein? C'est ça? C'est pas Scipio, oui, c'est Scipio. Normalement, faudrait dire Di Scipio, mais. Di Scipio, et vous faites appeler comment vous? Je crois que j'ai peur en disant que Di Scipio, qu'il y ait des CH qui se baladent, et que ça devienne imprononçable et incompréhensible pour les gens. On dira Di Scipio, comme on dit d'ailleurs Scipion l'Africain. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Qui est un nom de la même, qui s'écrit de la même façon. Christian Di Scipio, donc, nous nous retrouvons dans 2 minutes 30 après avoir écouté Goat's Girl. Creep. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Christian Di Scipio, moi j'aimais bien l'hypothèse Mussolini, parce que c'est quelque chose d'exotique. Ça a tenu cette hypothèse-là longtemps, aux yeux des policiers ou pas longtemps? Bien sûr, elle n'avait pas une carte de membre des services secrets de Mussolini sur elle. Mais contrairement à ce que dit le commissaire qui a découvert la lettre, je crois qu'elle avait le profil pour faire une bonne espionne. Et elle ne s'est pas inaperçue quand il le faut. Elle s'adapte à tous les milieux. aux usines Maxi où elle travaille à Saint-Ouen, c'est une ouvrière parfaite, elle s'entend avec tout le monde. Au dancing, à l'As de Cœur, elle est pimpante et elle aide au succès de ce dancing, qui se trouve rue des Vertus. À la guinguette du Borne-Marne, elle est avec ses amis, elle s'éclate, elle fréquente les truands Elle s'adapte, Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que, en plus d'être espionne, elle est la maîtresse d'un homme très distingué, Jeantet, qui est un bourgeois et qui fait partie du cercle très restreint des dirigeants de la cagoule. Mmh. Gabriel Jeantet. Mmh. Donc, je crois qu'elle a tout pour elle. Elle n'est pas cette jeune fille sans histoire dont parlent les voisins. Enfin, de toute façon, c'est toujours comme ça dans les faits divers. Hein. Les meurtriers ou les victimes sont toujours des gens sans histoire. Bon, on s'aperçoit souvent que c'est justement, pas vrai. Justement, elle sauve les apparences. Bah oui. Personne ne se doute ce qu'elle... Elle compartimente sa vie et dans chaque compartiment, personne ne sait ce qu'elle fait dans l'autre. Et tout le monde la prend pour ce qu'elle est, uniquement là où on la connaît. D'où les deux prénoms, Yolande et Laetitia. Oui, Yolanda, c'est son nom de guerre en tant qu'espionne. Et puis Laetitia, c'est la femme dévouée à son mari du temps où elle était mariée. C'est l'ouvrière sérieuse. C'est aussi une détective qui est capable de faire les filatures. C'est pas une beauté éclatante, mais c'est une femme qui peut être très désirable, très belle quand elle s'habille, quand elle se met très bien. Elle peut aussi passer inaperçue quand elle s'habille de manière très ordinaire. Je crois que là, le commissaire Fernet fait un peu fausse route. Peut-être qu'il le dit avec une intention, je ne sais pas laquelle. En tout cas, cette histoire nous plonge dans les années de l'entre-deux-guerres. Ce sont des années tendues politiquement. La gauche est au pouvoir avec Léon Blum, l'extrême droite est extrêmement haineuse à cette époque-là, et contre la République, elle appelle la gueuse. Enfin, c'est vraiment très dur, hein, c'est très tendu, même si c'est des années folles, même si on est sorti d'une guerre et qu'on profite de la joie de vivre, à partir de 36-37, on commence tous à être très inquiets par le contexte international et politique. Les faits divers s'incluent dans des périodes, ils disent parfois des choses de la période. Est-ce que cette histoire-là dit quelque chose? Oui, de la période avec la cagoule notamment. Ça en dit des choses. Je crois que cette histoire ne peut pas exister en dehors de cette année 37. Cette année 37, c'est l'année où le Front populaire perd du terrain. On veut faire la pause. Vous avez un parti communiste qui pousse à ce que l'on continue les réformes. Vous avez un patronat qui est extrêmement inquiet de l'évolution de la situation. Vous avez ces ligues fascistes qui ont été dissoutes, mais qui se réunissent quand même et qui veulent en découdre. Et la preuve, c'est que la cagoule prépare un coup d'État. Eh oui. Malheureusement, la cagoule, c'est une association de notables, de grands bourgeois. Il leur manquera ce qui a fait le succès de Hitler et de Mussolini, c'est-à-dire la troupe, le lumpenprolétariat, tous ces gens qui sont prêts à tout. Les chemises noires de Mussolini, les chemises brunes de Hitler, eux, ils n'ont pas de chemise du tout, quoi. Ils n'ont pas de troupe. C'est pour ça qu'ils ne vont pas réussir leur coup d'État dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937. Est-ce que les... Alors qu'ils avaient des liens avec l'armée. Ce sera ma toute dernière question. Il nous reste que 40 secondes, mais est-ce qu'on peut penser que si la police n'a pas réussi à trouver le coupable, c'est que elle était dans une position compliquée dans cette affaire à cause du contexte politique, par exemple? Sans doute. D'ailleurs, il y a une bonne raison, qui est la raison diplomatique. Vous savez que Mussolini et Hitler, on les voit comme de vieux complices de toujours. C'est pas le cas. En 37, la France et l'Angleterre veulent absolument séduire Mussolini, qui d'ailleurs est comme une coquette de théâtre, se laisse à la fois séduire par Hitler et par la France et l'Angleterre. Mmh. En 37, il penche plutôt pour la France parce qu'il n'aime pas Hitler. Hitler veut libérer tous les Allemands qui habitent dans des pays étrangers. Lui, Mussolini, il en a. C'est le Sud-Tyrol, et quand on lit le journal du prince Ciano, on pourrait dire que Hitler, que Mussolini, c'est comme Harpagon, mon Tyrol. Et il se méfie beaucoup de Hitler. Il veut garder le seul gain territorial, ce qui expliquerait quand même que les autorités françaises, quel que soit le régime politique depuis les années 33, 34, 35, veulent absolument éviter que Mussolini ne bascule du mauvais côté, celui évidemment de l'alliance avec Hitler. Bien sûr. Christian Deschipos, c'est une thèse qui en vaut une autre. Hein. Christian Deschipos, ce sera notre dernier mot. Je me suis permis de dire Scipio, mais oui, dès qu'il y a une consonance italienne, évidemment, je ne laisse pas passer, c'est comme ça. Mais donc, Christian... Vous avez raison, parce que ça m'a fait plaisir que vous l'ayez prononcé à l'italienne. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le tueur du métro, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Théo Gomard. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Récit documentaire, Jeanne Maillard, Juliette Proutot, Constance Villanova et Adrien Cara. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Lauriane Toulmont et Benjamin Riquet.